Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, on rediffuse 4 femmes scientifiques, une série d'Olivier Chomel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a une préoccupation féministe, mais oui, et une question. Une question qui est un peu comme une chanson, car en science, on peut se le demander, où sont les femmes ? Eh bien, elles sont là, même si depuis toujours, on leur pique leurs découvertes et même si elles doivent déployer une énergie considérable pour se faire une place et ne pas compter leurs heures. Et même si, pour voir leurs talents s'épanouir, elles sont parfois obligées aussi d'inventer leur territoire de recherche. Et parfois, quand la machine à effacer l'histoire tombe en panne, il arrive tout de même qu'elles entrent par effraction dans la légende. Alors pour commencer, les personnages. Une immense biologiste, un pro de l'optique quantique qui a inventé des instruments, un médecin qui sait, une chercheuse collègue de laboratoire de l'immense biologiste et des chercheurs en herbe sous le charme des bactéries. Ensuite, le décor. Des institutions sous les ors desquelles on écoute le savoir descendre vers tout à chacun, les vénérables académies des sciences et le non moins vénérable Institut Pasteur, bref, des lieux de savoir qui sont aussi un peu des lieux de pouvoir. Aujourd'hui, deuxième épisode, on va faire connaissance avec Pascal Cossard. Donc, bonjour à tous, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus locaux, chers collègues, chers amis. Pascal Cossard, c'est un très grand plaisir. Les microbes, c'est la vie. J'ai l'honneur de vous parler de ce que j'appelle la nouvelle microbiologie. Comme j'ai essayé de vous le montrer, cette discipline n'est plus du tout ce que pratiquait Pasteur. Ce dont j'aimerais vous convaincre aujourd'hui, c'est que de très grandes découvertes. Pascal Cossard, vous dirigez l'unité des interactions bactéries-cellules à l'Institut Pasteur. Vous êtes une pasteurienne, une vraie. Et vous nous accueillez dans la cour de l'Institut de France, parce que vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. C'est un lieu historique, solennel. Il y a 5 académies ici et l'Académie des sciences est de loin la plus nombreuse. Oui. Oui, alors depuis janvier 2016, je suis secrétaire perpétuel et j'ai toujours eu envie d'être active parce que je pense que c'est vraiment extraordinairement important de pouvoir interagir avec des collègues scientifiques qui sont de différentes disciplines et de pouvoir communiquer avec le grand public, avec les politiques, avec la société sur les sciences. On est à une période où la société a envie d'en savoir plus sur la science, on est à une période où la science a besoin de faire comprendre aux gens les avancées dans certains domaines qui peuvent être très importants au quotidien ou à moyen terme ou à long terme. Et vraiment, j'ai envie de jouer ce rôle-là. Et en fait, c'est un peu un univers que j'essaie d'ouvrir justement parce que je trouvais que ça avait l'air d'un univers un peu fermé. Je me souviens... Il y a une vraie solennité en tout cas. Oui, mais il y avait par exemple mon patron, Georges Cohen, allait à l'académie. Bon, ben, j'avais l'impression qu'il allait à un endroit où seuls les grands allaient, etc. J'ai envie que ce soit plus tout à fait ça. Et voilà, donc on monte, on passe à droite. Donc on arrive ici, donc on est à ce qu'on appelle le salon des conversations. Voilà, donc voilà la très belle salle. Vous voyez, ça sent la cire, mais ce qui est très impressionnant, c'est qu'il n'y a aucune des statues en marbre. Il y a une femme. Aucune. On peut se réunir à combien dans cette salle des séances de l'Académie des sciences ? Pas tellement, hein. On est à oui, peu près si grand, 100, 120 ici. Chaque séance commence par un petit son de cloche. Voilà. Dans le règne vivant, il y a une obsession universellement partagée, se reproduire pour que le phénomène de la vie continue. Dans ce domaine, les bactéries sont vertigineusement efficaces. Dans des conditions optimales, certaines peuvent donner une génération toutes les 20 minutes. À ce rythme, au bout de 10 heures, on aura obtenu 1 milliard de bactéries à partir d'une seule. Pascal Cossard vient du Pas-de-Calais. N'allons pas croire que sa famille abat du charbon à un kilomètre sous terre. Le cadre est beaucoup plus confortable. Papa dirige une entreprise prospère et aura un mandat parlementaire. La jeune Pascal commence à Lille des études de chimie. La biologie fondamentale viendra bien après, à l'Institut Pasteur. C'est un peu par hasard qu'elle tombe dans l'exploration de la vie microscopique. Aujourd'hui, elle orchestre les activités de l'unité des interactions bactéries-cellules. C'est un bon labo, exigeant, très demandé, situé à quelques mètres du bâtiment où Louis Pasteur a vécu et travaillé et où il repose, dans la crypte spectaculaire qu'on lui a consacrée sur place après sa mort. Voici mon bureau. Entrez. J'ai l'impression qu'il y a comme une toute nouvelle fascination du public pour la microbiologie ou pour certains domaines scientifiques dont le vôtre. Oui. Alors, bon, moi je suis fascinée par tous les nouveaux concepts qui ont émergé dans les 10-20 dernières années. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a redécouvert les bactéries et on a redécouvert des nouveaux concepts. Alors pourquoi ça ? Mon analyse, c'est que les technologies ont beaucoup avancé. La microscopie a fait des bonds en avant. Avant, on avait des microscopes, on regardait les bactéries, ou alors on avait des microscopes électroniques et on les regardait à grande échelle, etc. Maintenant, on a des tas de microscopes à fluorescence. On peut utiliser différents marqueurs colorés, analyser une protéine et une autre, comment elles se comportent l'une avec l'autre, etc. On a des vidéomicroscopes qui font qu'on peut suivre des événements en temps réel, soit la division d'une bactérie, soit l'infection d'une cellule par des bactéries. Donc on a des outils nouveaux en microscopie. On a des outils nouveaux en ce qu'on appelle génomique. On peut séquencer des génomes, on peut séquencer les ARN qui sont faits par ces génomes une fois qu'ils sont en route. On peut séquencer des protéines, etc. Donc on peut analyser tous ces génomes. Et on a des millions, des zillions de résultats qu'on est capable d'analyser avec toute l'informatique et la bioinformatique qui est à notre disposition. Donc en combinant tout ça, on a toute une biologie qui a fait qu'on redécouvre les microbes. Alors qu'est-ce qu'on redécouvre ? On redécouvre que les bactéries ne sont pas des petits sacs où tout est mis là-dedans en grand désordre. On s'aperçoit que ce sont des organismes extrêmement bien organisés. Et en les étudiant, on a accès à tout le monde du vivant. Exactement comme avant, en étudiant l'opéron lactose, Jacob et Monod ont compris comment les gènes étaient régulés. En regardant toute une bactérie, on est capable de dire comment tout un génome peut justement s'exprimer, etc. Et donc il y a des tas de révolutions à l'heure actuelle. Donc il y a la révolution de la régulation par les ARN, qui comprend notamment le fait qu'on a réalisé que les bactéries avaient un système immunitaire qui s'appelle ce fameux système CRISPR, et que ce système immunitaire permet à des bactéries de reconnaître un phage qui était déjà venu leur rendre visite, et que la machinerie qui est impliquée dans la reconnaissance du virus, puis la reconnaissance d'un deuxième virus qui arrive, cette machinerie est tellement sophistiquée qu'elle a été, elle aussi, appréhendée par des scientifiques pour faire d'autres choses, qui est de modifier les génomes très précisément, génome de bactéries, mais aussi génome de cellules de mammifères, génome de poissons zèbres, de tous les organismes, y compris les plantes. Tout à fait fascinant et évidemment un peu potentiellement effrayant. C'est potentiellement effrayant parce que la rapidité et l'efficacité de cet outil fait que très vite on se dit on peut aller bricoler des génomes humains et on peut aller bricoler des cellules somatiques et on peut avoir des générations d'hommes qui vont être des hommes qui ont été bricolés par justement ce nouvel outil. Bon, pour le moment, il est hors de question d'aller travailler les cellules germinales et même les cellules normales, on va dire non germinales, posent un problème si on veut les manipuler parce qu'on on parle de ce qu'on appelle des cibles qui ne sont pas souhaitées, des off-targets. Si on veut modifier un gène et qu'on veut en modifier un autre à côté qui lui ressemble mais qu'il ne faut surtout pas toucher, c'est un peu ennuyeux. Puis dans mon livre, ce dont je parle aussi, c'est l'évolution de certaines choses. Par exemple, on découvre les antibiotiques. Après la guerre, on se dit, ça y est, toutes les maladies infectieuses ont été éradiquées. Et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que les bactéries résistent et qu'il y a des multirésistances et que tous ces antibiotiques commencent à devenir, les uns après les autres, un peu inefficaces. Ça, c'est un problème potentiellement terrible. C'est dramatique. On est presque dans l'impasse. Là, on est dans une impasse thérapeutique, certaines fois, et on va avoir des choses qu'on n'avait pas vues depuis des années, c'est-à-dire des morts par maladies infectieuses avec des bactéries qu'on considérait comme étant des petites bactéries pas très graves. Hein, et on va avoir vraiment des morts, ça c'est clair. Les bactéries sont incroyables. Elles sont capables de s'adapter à tous les stress qui passent devant elles, en fait. Donc, le stress peut être la température, peut être la concentration en sel, peut être le milieu dans lequel elles vivent. Ça peut être des antibiotiques, ça peut être des virus qui passent. Elles ont des mécanismes pour résister à tout. Et en fait, une des grandes découvertes qu'on est en train de faire, là, à l'heure actuelle, c'est la façon dont elles résistent au stress. On n'a pas encore publié, mais on est en passe de le faire. On a trouvé vraiment quelque chose qui est dans la membrane de la bactérie et qui est le relais entre le stress que la bactérie est en train de subir et l'expression d'un certain nombre de gènes qui sont mis en place par la bactérie pour résister à ce stress. Donc, les gènes de stress sont connus. On sait qu'ils sont allumés, mais on ne connaît pas le relais vraiment. Et là, on a mis le doigt dessus. Dans les grandes découvertes du laboratoire, il y a eu aussi le fait, parce qu'on était dans les premiers, à montrer que les bactéries peuvent jouer sur la reprogrammation des cellules. Elles peuvent aller affecter l'expression des gènes d'une cellule infectée. Et on a eu vraiment deux types de grandes découvertes dans le laboratoire, c'est-à-dire de montrer que les bactéries peuvent soit injecter des facteurs bactériens dans le noyau qui font que la chromatine va être affectée par ce gène, cette protéine bactérienne. Et ensuite de ça, la cellule reprogramme toute sa transcription. Donc soit elle fait des gènes qui vont aller contre les bactéries, soit elle résiste au stress que la bactérie a fait sur elle. Et donc le mot magique d'épigénétique est prononcé, c'est-à-dire qu'on se pose la question maintenant de savoir si, quand une bactérie affecte le programme de transcription d'une cellule, est-ce que cet effet est à court terme ou à long terme ? Est-ce qu'il devient héréditaire ? Et est-ce qu'il redevient héréditaire, ou en tout cas héréditaire de multiplication de cellules à multiplication de cellules? C'est exactement les questions qu'on a envie de résoudre, et on est en train d'étudier ça. Alain Aspect, vous travaillez sur l'optique quantique, qui est un domaine du savoir assez éloigné de celui de Pascal Cossard, qui est biologiste. Mais il semblerait qu'il y ait des interactions fines et profitables entre les deux disciplines, ou du moins que la vôtre ait beaucoup apporté à la sienne. Ce qui est très important pour les biologistes aujourd'hui, c'est que ce sont finalement des applications, des découvertes fondamentales des physiciens d'il y a quelques décennies, qui ont permis à la biologie d'être complètement bouleversée par l'existence de méthodes, par exemple l'imagerie par résonance magnétique, ou bien les imageries optiques modernes, ou l'ultramicroscopie, qui leur permettent de voir des phénomènes individuels, alors qu'auparavant, ils ne voyaient que des phénomènes, je dirais, à une échelle assez grossière, à l'échelle macroscopique. Aujourd'hui, ils sont capables d'aller regarder individuellement, au sein de la cellule, des phénomènes microscopiques élémentaires. Et de ce point de vue-là, ça nous rapproche sur le plan des concepts, puisque moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'aller regarder comment deux photons intriqués, non pas des milliards de photons, mais comment deux photons intriqués sont corrélés entre eux. Et les biologistes regardent des phénomènes élémentaires aujourd'hui. Et c'est ça qui me semble être clé de cette révolution de la biologie. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la fameuse seconde révolution quantique, en physique, et cette seconde révolution quantique va donner de nouvelles méthodes d'investigation encore beaucoup plus fines et beaucoup plus précises et exactement au niveau élémentaire, au niveau des molécules élémentaires et de ces choses-là. Donc nous avons vraiment beaucoup de choses à nous raconter. Rue du docteur Roux, voilà. Du Pasteur, Paris 15e. C'est la tombe d'Émile Roux avec le buste. Et alors, il y a Roux par ici et Pasteur dans sa crypte, oui. Qui est dans le bâtiment d'à côté. Vous êtes au courant que c'était le labo où on vaccinait contre la rage. Voilà. Mon bureau, c'était l'ancien laboratoire où on vaccinait contre la rage. Ça, c'était la salle d'attente des personnes enragées ou traitées. Le carrelage n'a pas changé. Et l'histoire a un poids et tous ces grands hommes, Pasteur, Émile Roux, Alexandre Yersin, etc. Enfin, est-ce qu'on y pense de temps en temps? Vous êtes pasteurienne. Ah, moi, j'y pense tout le temps. Je suis quand même dans une institution prestigieuse où on a fait des grandes découvertes. En plus, je viens d'écrire sur tous les microbes qui ont été découverts par ces gens-là, forcément. C'est mes maîtres. C'est une équipe de combien de personnes? On est à peu près, en général, à peu près 25. Est-ce que, quand vous avez commencé, vous vous doutiez de l'importance que cette discipline prendrait? Pas du tout, pas du tout. D'abord, premièrement, parce que je ne réfléchissais pas à très long terme. Et deuxièmement, parce que je suis arrivée à une période où, justement, les gens qui travaillaient sur la microbiologie et les bactéries commençaient à les abandonner. C'était par exemple tout le groupe de François Jacob qui commençait à abandonner les bactéries et qui commençait à travailler sur la souris ou en tout cas sur des cellules. Donc je ne me doutais absolument pas qu'il allait y avoir toute cette grande renaissance de la microbiologie. De toute façon, moi, ce qui m'intéressait dans la microbiologie que je commençais à aborder, c'était plutôt l'étude des protéines, l'étude de molécules. Donc c'était le côté chimique de la biologie. Et alors, à quel moment vous avez commencé à toucher des bactéries? Alors, après ma thèse, au moment où les séquences d'ADN ont commencé à être possibles, au tout début, alors là, j'ai commencé à toucher les bactéries. Mmh. Et donc, ça a été le clonage du gène correspondant à la protéine sur laquelle j'avais travaillé. C'était ça, mon stage postdoctoral. J'ai traversé la rue du docteur Roux. Et je suis arrivée dans un laboratoire où on a commencé à séquencer le gène qui correspondait à ma protéine. On a été les premiers à séquencer un gène. Alors ensuite, les techniques de séquençage d'ADN ont été enzymatiques et non plus chimiques. Donc ça s'est un tout petit peu simplifié. Par exemple, la bactérie Listeria, elle a 3000 gènes. Et on séquence maintenant les 3000 gènes en 24 heures. Il y a 20 ans, c'était totalement inimaginable. C'est pour ça que je pars d'une révolution en microbiologie. Aujourd'hui, vous travaillez sur Listeria. Pourquoi on choisit un matériel plutôt qu'un autre? À l'époque, ce qui s'est passé, c'est que la direction, et je pense que là, elle avait raison, on se disait la biologie moléculaire commence à inonder le domaine de l'infection. Et peut-être que l'Institut Pasteur devrait s'intéresser à tout ce qui concerne les mécanismes de virulence de tous ces objets qui ont fait la gloire de Pasteur. Et on nous a dit qu'il vaudrait mieux travailler sur des maladies infectieuses. Moi, j'étais un peu effrayée quand on nous a dit ça, mais finalement, on a fait le tour des laboratoires qui travaillaient sur des bactéries pathogènes et on a fini par identifier que les bactéries qui avaient une vie intracellulaire au moment de l'infection étaient des bactéries qui n'étaient absolument pas étudiées au niveau moléculaire. Et de fil en aiguille, on s'est orienté vers ce qui commençait à redevenir un problème de santé publique, c'est-à-dire la tuberculose et à moindre degré la lèpre. Et on s'est orienté vers Listeria. C'était quand même un grand saut dans l'inconnu, puisque pour Listeria, on ne connaissait rien. Il n'y avait aucun gène qui était connu, il n'y avait aucune technique qui était au point. Donc, comprendre toutes les facettes de cette bactérie était quelque chose qui... Je sentais qu'il y avait une mine d'or, là, derrière. Vous nous la présentez, cette petite bête, Listeria monocytogenes? Oui. C'est une bactérie qui est un peu connue, parce qu'elle est pathogène et provoque parfois des... pathologie gravissime. Ça fait combien de morts par an, la Listeria? Alors, en France, on peut dire qu'il y a à peu près 350 cas de listériose par an, avec 30% de mortalité. Donc, une centaine de morts par an. Mais quand j'ai commencé, on était quand même plutôt à 800-900 cas par an. C'est la maladie, disons, d'origine alimentaire la plus mortelle. Bon alors, qu'est-ce que c'est cette bactérie? C'est une bactérie qui normalement est dans le sol, qui est sur la végétation, qui pourrit. C'est une bactérie de l'environnement. De ce fait-là, elle peut contaminer des plantes, elle peut contaminer des aliments, beaucoup de produits laitiers. elle va passer inaperçue chez la plupart des gens, mais elle peut éventuellement s'installer chez un individu qui est immunocompromis, immunodéprimé, et commencer à produire, par exemple, une méningite ou une septicémie. Donc c'est une bactérie qui peut donner des infections très graves. Elle a pour particularité de se développer à basse température, ce qui n'est pas le cas de toutes. Oui. C'est ce qui la rend un peu vicieuse parce qu'elle pousse au frigo, en quelque sorte. Voilà, on pense qu'on a un aliment qui n'est pas du tout contaminé, on le met au frigidaire et on pense que de toute façon, on a bloqué tout développement bactérien. Et en fait, c'est carrément faux, puisque cette bactérie peut se multiplier à basse température. Et elle peut contaminer les aliments. C'est une bactérie, si j'ai bien compris, qui est intracellulaire, enfin qui vit dans l'environnement, à part ça, mais quand elle est infectieuse, elle est intracellulaire, il faut qu'elle entre dans la cellule, elle s'y déplace, elle en sort, elle colonise les cellules voisines. Ce sont ces mécanismes-là que vous avez étudiés ? Oui, bah c'est vrai qu'on a essayé de comprendre un tout petit peu comment elle faisait dans l'organisme qu'elle infecte. Elle réussit à arriver jusqu'au niveau de l'intestin, à traverser l'intestin, et ensuite, via le sang, elle arrive jusqu'au foie, à la rate, et elle peut arriver aussi encore par le sang jusqu'au cerveau, et elle peut produire des méningites. Et c'est vrai qu'on s'est intéressé à savoir d'abord comment elle rentrait dans des cellules qui normalement ne laissent pas passer grand-chose. Donc on a identifié sur la surface de la bactérie un composant qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde bactérien, et c'est une molécule qui s'appelle internaline. Et on sait que cette protéine a trouvé sur les cellules de l'intestin un récepteur, c'est-à-dire un endroit qui lui permet de rentrer dans les cellules. Donc on a vraiment identifié le couple clé-serrure, si on peut dire. Donc ça, c'est pour rentrer. Ensuite, cette bactérie, eh bien, comme n'importe quel être vivant, elle a envie de se multiplier et elle trouve dans l'intérieur de la cellule tous les composants qui vont lui permettre de se diviser, de se répliquer, de donner des générations de bactéries, puisqu'il peut y en avoir beaucoup dans une seule cellule. Mais la propriété très intéressante de cette bactérie, c'est de pouvoir se promener à l'intérieur de la cellule et ensuite aller vers une autre cellule qui est adjacente à la première cellule qui a été infectée. Et pour ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pousse la première membrane de la cellule infectée. Elle va produire ce qu'on appelle une sorte de protrusion, une espèce de gant de bactéries, si on peut dire, qui va rentrer dans la deuxième cellule qui est infectée. Et du coup, la bactérie, elle se dissémine d'une cellule à l'autre. Listeria monocytogenes, c'est une bactérie d'allure assez classique, c'est-à-dire c'est un petit bâtonnet qui mesure un micromètre de long à peu près. Et je veux dire par là qu'il n'y a pas de cils ni de flagelles. Comment est-ce qu'elle fait pour se déplacer ? Si. La bactérie, quand elle est dans l'environnement, c'est-à-dire à des températures, mettons 20, 25 degrés, elle a des flagelles, elle en a environ 4-5, qui lui permettent de se promener dans l'eau ou se promener dans des endroits où elle a envie d'acquérir des aliments. À l'intérieur des cellules, on est à 37 degrés, puisque votre corps est à 37 degrés. Il n'y a plus de flagelles, mais les bactéries sont capables de bouger parce qu'elles ont sur leur surface un autre composant qu'on a découvert dans le laboratoire qui s'appelle ACTA. Et ce composant protéique, une protéine, est capable de pirater, de recruter à l'intérieur de la cellule un complexe, disons un ensemble de 7 protéines qui va lui permettre de commencer à polymériser l'actine. Alors c'est un mot compliqué, mais c'est simplement que sur la surface de la bactérie, on va commencer à avoir une molécule d'actine, puis deux, puis trois. L'actine, c'est une protéine qu'on retrouve dans les muscles, je crois. C'est une protéine qui est associée au mouvement, qui est associée à la contraction musculaire, qui est associée à la migration des cellules. Et donc en fait, la bactérie, vous allez dire, de façon très intelligente, elle pompe cette molécule, elle la met derrière elle et elle en met plusieurs, elle fait des grands filaments et ça l'aide à se propulser à l'intérieur de la cellule. Et non seulement à l'intérieur de la cellule, mais jusqu'au jusqu'aux limites de la cellule, c'est-à-dire la membrane, et ensuite elle pousse sur la membrane, elle est capable d'aller d'une cellule à l'autre. Listeria, c'est une bactérie qui infecte l'homme et d'autres mammifères, mais la souris n'est pas tellement sujette à la listériose, Pascal Cossard. Comment est-ce que vous avez surmonté cet inconvénient ? On a créé des souris transgéniques qui exprimaient le récepteur humain de Listeria, spécifiquement au niveau de l'intestin. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu qu'à ce moment-là, on avait les bactéries qui traversaient très efficacement l'intestin. Donc en créant une souris transgénique exprimant le récepteur humain, on a eu une infection orale, ce qui a fait qu'on a un modèle de listériose humaine chez la souris maintenant. C'est rapide à raconter, mais ça, c'est sans doute très compliqué à réaliser et très long. C'est-à-dire que faire une souris transgénique, c'est quand même une aventure au long cours, effectivement, ou en tout cas, ça l'était, puisque maintenant, comme vous savez, il y a des nouvelles technologies pour modifier les génomes. Mais en tout cas, à l'époque, oui, ça nous a pris sans doute 2 ans pour bien vérifier tout ce qui s'était passé. Ça, c'était un très joli papier qui a été publié finalement dans Science. Une autre belle découverte qui a été faite dans le laboratoire, c'est une découverte d'un phénomène fondamental de régulation, qui a à voir avec le fait que les facteurs de virulence qui permettent à la bactérie de rentrer dans les cellules, de sortir de la vacuole qui a, disons, englobé la bactérie, tous ces facteurs-là, ils ne sont exprimés que quand la bactérie est dans votre corps à 37 degrés. Et la chose qu'on a découverte, c'est que tous ces gènes de virulence ne sont exprimés que s'il y a un activateur de la transcription de ces gènes-là. Alors on s'est dit, est-ce que cet activateur ne marche qu'à 37 degrés ? Est-ce qu'il n'est fait que à 37 degrés ? Et on a trouvé qu'effectivement, cet activateur n'était lui-même produit que à 37 degrés et que quand la bactérie est dans l'environnement, cet activateur n'est pas fait. Et la raison moléculaire, le mécanisme moléculaire, est dû au fait que l'ARN, c'est-à-dire le messager entre l'ADN et la protéine, le messager pour cet activateur, a une certaine forme qui fait qu'il ne peut pas être traduit par la machinerie de traduction de la cellule bactérienne. Et quand on est à 37 degrés, on ouvre cette espèce de structure qui fait que alors le message peut être lu et traduit. Un très bel exemple de régulation par la température. Vous nous montrez le labo ? Donc là, vous voyez que là, c'est un labo où il y a les bureaux directement dans les labos. Parmi les paillasses. Voilà, ça. C'est le choix qui a été fait. On voit qu'on est dans Paris, c'est dense. Karim, qui est étudiant. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cuisine. C'est le labo de préparation. Anna, qui s'occupe de préparer les milieux, stériliser les milieux. Ça, c'est ce qu'on appelle la pièce chimie, tous les produits chimiques, les balances, les produits un petit peu plus dangereux. Voilà, donc ça, c'est tout l'étage. Et au sous-sol, on a les salles des microscopes, on a des super microscopes, et puis des congélateurs, des frigidaires. Donc ça, c'est une pièce de culture de cellules. C'est là où on infecte les cellules avec Listeria ou d'autres. Ça, c'est pour tout le labo, mais c'est une machine qui peut détecter la luminescence. Donc, un laboratoire comme celui de Pascal Cossard fonctionne avec des techniciens, des ingénieurs et des chercheurs, dont vous êtes, Liliana Radoshevich. Vous êtes post-doctorante, vous venez des États-Unis, où vous deviez sans doute avoir un peu plus d'espace qu'ici. Mais c'est bien rangé. Vous nous montrez votre coin de labo. Donc ici, j'ai des boîtes de bactéries. Il y a une cinquantaine de boîtes de pétri. Oui, et ça venait d'une expérimentation ou une manipulation des animaux de la semaine dernière. On a regardé si les animaux étaient susceptibles à l'estériose. Ce sont des souris. Oui, des souris. Donc c'est des souris qui sont modifiées génétiquement, qui soit manquent une gène sur laquelle je fais des études, ou soit une gène qui est en amont de ce gène et qui est mutée. Et comment est-ce que vous les infectez ? Cette fois, j'ai essayé un nouvel type de manipulation. Normalement, on les infecte en les injectant, mais cette fois, on a essayé de faire quelque chose qui se ressemble plutôt à une infection de l'estériose dans la vraie vie. Donc, on a coupé des petits morceaux de pain, on a pris des quantités spécifiques de bactéries et on les a resuspendues dans la beurre, en fait. Comme ça, les souris ont pu manger la listeria. Mélanger les miettes de pain infectées avec du beurre. Oui, comme ça, on peut infecter les souris comme les humains deviennent infectés. Car la souris est tellement facile à utiliser et qu'on connaît très bien les génétiques. Ici à Pasteur, dans le labo de Pascal Cossard, ils ont créé un modèle de souris qui soit comme une main. Comme l'homme, du point de vue de la réceptivité à l'hystéria. C'est ça. Le but de vos expérimentations, Liliana Radoshevitch, c'est quoi? Vous cherchez quoi au juste? En fait, moi je travaille sur une protéine qui s'appelle ISG15. C'est produit lors d'une infection virale. Et ça aide à lutter contre l'infection virale. Ça aide, oui, exactement. Et l'idée de Pascal, quand je suis arrivée en postdoc, c'était de regarder si cette protéine était en fait aussi antibactérienne. C'est pour ça que dans les souris que j'ai étudiées ici, ils sont mutés pour un gène qui veut dire qu'il y a hyperproduction du gène ISG15. Et on voulait savoir si les souris seront résistantes à la stériose grâce à ce gène. Les technologies qu'on a utilisées ici, c'est assez placé ici à l'Institut Pasteur parce qu'on a beaucoup de plateformes avec des technologies vraiment super. Voilà. Et il a fallu que vous découvriez le labo, cet univers autour de Pascal Cossard, qui est quelqu'un qui a plutôt une forte personnalité, et puis le travail à ses côtés, c'est pas des vacances. Oui, mais c'est vrai que pour chaque projet, il y a un investissement assez important de sa part au niveau de temps et énergie, et ça se voit à la fin, qu'on travaille bien ensemble, on publie bien, on fait des découvertes. Moi, ça m'a plutôt plu d'être dans une situation dynamique. Au fur et à mesure qu'une carrière scientifique avance, la nature du travail change. Et puis, bon, en ce qui vous concerne, vous êtes devenue une grande patronne, la Pasteur. Oui. Comment ça se passe? Ça se passe que, en tout cas, ça s'est passé comme ça pour moi. Un jour, je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de faire les manips. Donc, j'ai commencé à en faire de moins en moins. Mais ça ne me frustre pas du tout. D'autant que j'ai commencé à élargir le type d'approche que nous utilisons. Et donc, je fais faire aux gens de mon laboratoire des choses que je ne sais pas faire. Je n'aime pas beaucoup regarder au microscope pendant des heures. Je ne l'ai jamais fait vraiment pour mes travaux à moi. Et donc, je ne suis pas du tout frustrée. Ça se passe comme ça et ça se passe très bien parce que moi, je les aide à faire autre chose. Je trouve de l'argent pour mon laboratoire, j'organise tout ça, j'orchestre. J'ai la chance d'avoir X personnes qui font les projets que j'aimerais bien faire. Mais ce que j'aime, c'est travailler directement avec les gens qui font. Et j'aime pas trop avoir des gens qui ont des gens. Donc, il faut qu'il n'y ait qu'une seule génération, en gros, dans mon laboratoire. Il faut qu'il y ait mes enfants. Quand il commence à y avoir mes petits-enfants, j'estime que c'est le moment où les gens doivent commencer à avoir des groupes qui vont se former ailleurs. Et je leur dis toujours, profitez de moi, parce que moi, je suis là pour ça, pour avoir un regard extérieur, pour les aider, pour prendre mon téléphone, pour les aider à trouver les interlocuteurs qui vont... ouvrir un verrou qui fait que la manip n'avance pas, etc. Mais ça, c'est passionnant d'orchestrer tout ça. C'est vrai qu'on n'est pas formé en manager, mais je pense que les grands scientifiques qui réussissent, c'est ceux qui ont du nez, qui sentent là où il faut aller, et qui savent aussi orchestrer ce qui se passe dans un laboratoire. Et l'orchestration passe par la gestion des conflits potentiels, passe par la synergie à créer entre les différentes personnes qui ont des compétences différentes, par le recrutement des personnes correctes pour le projet qu'on a en tête. Puis, voilà. Être chercheur, Pascal Cossard, ça implique d'avoir peut-être une conformation d'esprit un peu particulière, une capacité à faire un pas de côté de temps en temps, à regarder les choses sous différents angles, se remettre en cause, etc. Est-ce que ça a retenti sur votre vie de tous les jours. Je sais bien que votre vie de tous les jours consiste essentiellement à faire de la science, mais vous avez aussi une vie de famille. Et... C'est très chronophage, on va dire, le métier de chercheur. Je ne peux pas dire que je quitte le laboratoire et c'est fini, je m'occupe de tout le reste. Toutes les périodes de ma vie, je me suis dit, je ne pourrais jamais travailler plus que ça, et on travaille de plus en plus. Comment ça s'est passé avec vos enfants, par exemple? Vous avez deux filles, je crois? Trois filles. Trois. Alors, avec mes enfants, ça s'est passé que j'ai eu des enfants très jeunes. Donc, je n'ai pas eu le problème de gérer des voyages quand elles étaient jeunes. Ceci dit, elles me critiquent beaucoup. Tu travailles trop, tu ne gagnes pas assez, ce qui n'est plus vrai maintenant d'ailleurs, parce qu'en arrivant en fin de carrière, ça n'est plus vrai, mais c'est vrai que le début de carrière est très difficile, je trouve. Et si on ne peut pas, par exemple, envisager un métier de chercheur à mi-temps. Quelquefois, les gens me disaient, mais t'as trois enfants, t'as qu'à travailler à mi-temps, etc. Je vois pas, comme quand on est déjà en compétition avec des gens, ou en compétition même avec soi-même, comment on peut envisager une carrière à mi-temps? Pour moi, c'est impossible. Jean Porrini, vous êtes médecin et ami de Pascal Cossard depuis 30 ans. Est-ce que vous avez le sentiment... Quel est quelqu'un qui est capable de lâcher prise par rapport à son activité professionnelle, très accaparante, qui demande beaucoup de temps et d'attention? Est-ce que parfois son esprit s'en va? Je ne l'ai jamais vu s'en aller très loin. À titre anecdotique, j'appelle Pascal. Une fois sur deux, elle ne répond pas. La deuxième fois, elle est à l'aéroport. Elle part à New York ou à Philadelphie ou... Elle part ensuite en Norvège, en Suède, en Europe de l'Est, au Japon. C'est pour ça que je ne sais pas comment elle peut gérer tout ça. C'est un phénomène. Entre son activité professionnelle de chercheur, son activité dans les sociétés savantes, ne laissant jamais tomber ses amis, toujours disponible, et son activité de mère de famille. Un résultat comme l'identification, la caractérisation de la protéine ACTA qui fait de l'hystéria une sorte de bactérie à réaction, ça prend combien de temps à vos équipes? Oh ben là, ça a été un grand coup de chance. On regardait pas du tout ça et on s'est aperçu qu'on avait un mutant qui ne polymérisait plus l'actine. Donc là, on arrive peut-être à une notion qui est que les esprits préparés peuvent sauter sur des grandes découvertes. Alors, en l'occurrence, c'était vraiment ça. Comme là. Dit Louis Pasteur. Comme dit Louis Pasteur. Là, c'était vraiment ça. On était en train de chercher autre chose et on est tombé sur ce mutant qui ne polymérisait plus l'actine. Alors évidemment, on a foncé et ça a été un très grand succès pour le laboratoire. Il y a la question de l'argent qui est capital en recherche biologique. C'est, oui. C'est une recherche qui coûte assez cher, hein, par rapport à d'autres. Et justement, vous dites, Pascal Cossard, qu'une partie de votre temps est consacrée à la recherche de crédit. Votre unité des interactions bactéries-cellules à Pasteur est plutôt un labo prospère, mais ce n'est pas le cas de tout le monde en biologie. Qu'est-ce que vous pensez de cette particularité un peu française qui fait qu'un chercheur en biologie va parfois passer plus de temps à chercher de l'argent que des connaissances scientifiques? Bon, moi, c'est un problème. Alors, j'ai toujours eu la mentalité, je n'attends pas de n'avoir plus d'argent pour faire des demandes. Et ça, ce n'est pas la mentalité de tout le monde. Et ce qui fait que dans mon labo, j'ai beau être très riche, si une opportunité passe devant moi, je vais demander de l'argent pour être sûr que d'en avoir d'autres. Bon, j'ai eu la chance, comme vous le savez, d'avoir eu des prix qui comportaient une grande partie de l'argent pour le laboratoire, donc ça a ramené aussi de l'argent. Bon, ensuite, je pense qu'il faut être un peu gonflé. Il y a des gens qui disent « Ah non, c'est pas tout à fait dans mon créneau », etc. Je pense que, par exemple, j'ai fait des demandes pour l'hystéria à des agences qui étaient intitulées « cancer », parce que quand une agence pour le cancer s'intéresse à la cellule, moi, je m'intéresse aux interactions de bactéries avec des cellules, mais la façon dont je traite les problèmes fait qu'en étudiant l'interaction bactéries-cellules, on étudie comment la cellule se comporte. Et on m'a donné des crédits. Maintenant, il est clair qu'au niveau français, tout a été rassemblé dans ce qu'on appelle l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, et on a quand même l'impression quelquefois que les politiques pensent que la recherche, c'est un peu du luxe. Et donc, quand on est en période de pénurie, on va plutôt couper dans les parties genre recherche. Mais bon, il y a eu des choses qui ont été extrêmement positives. Par exemple, sous le gouvernement précédent, il y a eu un grand emprunt qui a donné de l'argent, qui sont appelés les investissements d'avenir. Là, il y a eu quand même des grosses possibilités d'acquérir de l'argent pour la recherche. Mais c'est vrai qu'on a tendance à donner aux riches. Mais la misère existe. Voilà, vous avez des laboratoires dans des universités qui ont beaucoup plus de mal qu'on en a ici, ça c'est certain. Alain Aspect, vous êtes physicien, et si vous avez rencontré Pascale Cossard, c'est parce que vous avez obtenu en même temps qu'elle le prix Balzan en 2013, un prix important. Quelle est l'importance des gratifications et des prix en sciences ? Je dirais que c'est un moyen d'attirer l'attention sur des sujets de recherche auxquels on croit. Par exemple, en ce qui me concerne, le prix Balzan m'a été donné pour le fait que mes travaux ont été à l'origine de développements dans le domaine de l'information quantique. Et je pense que ce prix Balzan, comme d'autres, a attiré l'attention, par exemple des politiques au niveau de Bruxelles, sur le fait qu'il y a vraiment des percées nouvelles dans le domaine de la physique quantique. Et le résultat, très concrètement, c'est que l'Europe vient de décider de lancer un très grand programme qu'on appelle un flagship, un navire amiral. Mais c'est un programme dans lequel des centaines de millions d'euros vont être investis. Et ce programme va viser à développer les technologies qui sont les fruits du genre de recherche que j'ai pu faire il y a une trentaine d'années. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les grandes sociétés extraordinairement riches que sont Google, Internet, Apple, investissent dans le domaine des technologies quantiques. Il n'y a pas en Europe de compagnie aussi riche capable de faire ça. Et donc, les autorités politiques européennes ont compris que si on ne voulait pas être distancé par les États-Unis et les Chinois aussi qui pointent leur nez là-dedans, eh bien, il fallait être volontariste. Et donc, il me semble que les distinctions ont cet avantage. Ils permettent d'attirer l'attention des politiques sur des sujets que les communautés reconnaissent comme importants. Surtout qu'il ne vous échappe pas quand même que la situation économique en France est telle que les crédits affectés à la recherche sont loin d'être aussi importants qu'ils le sont dans d'autres pays dont l'économie marche mieux, comme par exemple l'Allemagne ou la Suisse. Donc, heureusement qu'on a des crédits qui peuvent arriver par toutes sortes de voies. Et effectivement, un grand prix scientifique comme le prix Balzan est un moyen de donner un petit peu d'air au laboratoire. Oui. Vous avez publié La nouvelle microbiologie chez Odile Jacob, Pascal Cossard. Ça vous donne l'occasion d'explorer dans les grandes largeurs cette discipline, y compris dans des domaines qui sont assez éloignés de votre quotidien. Et on trouve dans ce livre des épisodes très étonnants. Moi, j'aime bien l'histoire du calamar et de Vibrio fischeri. Alors, le calamar qui vit dans l'océan Pacifique. Il n'est pas grand, hein, le calamar. Il fait à peu près, on va dire, moins de 10 cm. Donc, c'est un calamar qui vit dans le sable et qui, la nuit, sort du sable et va pêcher les crevettes pour manger. Ce qui est embêtant, c'est que quand il va pêcher, quand il va chasser, la lune l'éclaire et produit une ombre sur le sable. Et cette ombre sur le sable fait qu'il est repéré par les prédateurs. Mais il a la chance d'avoir une poche qui contient des bactéries qui sont luminescentes. Et donc, si ces bactéries illuminent la tache qui devrait exister, la tache d'ombre, bien, bon, personne ne le voit. Donc, il va chasser tranquillement. Il chasse tranquillement toute la nuit, et à la fin de la nuit, il est fatigué et il va rentrer chez lui. Et ce qu'il fait, c'est qu'il crache tous ses Vibrio fischeri, parce qu'il n'en a plus besoin, donc il les éjecte et il rentre dans le sable. Et ensuite, pendant toute la journée qui suit, les Vibrio fischeri qui restent dans cette petite poche, ils vont quand même, comme toute bactérie, avoir envie de s'accoupler, de se multiplier, de manger. Donc toutes les bactéries se multiplient Et quand le calamar va ressortir, il va se repasser le même phénomène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, quand le calamar crache toutes ces bactéries, qu'il en reste, mettons, quelques-unes dans sa poche, ces bactéries-là, elles ne sont plus luminescentes. Et pourquoi elles ne sont plus luminescentes? Parce qu'elles ont arrêté de faire les gènes et les protéines qui font de la lumière. Et elles ne sont luminescentes que dans le calamar? Non, elles ne sont luminescentes que si elles sont en grand nombre. Quand elles sont en grand nombre, elles s'envoient des signaux les unes aux autres et elles sont capables d'induire justement la fabrication de la lumière. Alors cette histoire de signaux qu'elles s'envoient, c'est ce qu'on appelle la communication bactérienne. Et cette communication bactérienne fait que si vous avez simplement deux bactéries, les deux bactéries dans une petite poche s'envoient des signaux qui sont très dilués. Donc les deux bactéries disent « Ok, j'ai reçu un signal ». Elles se multiplient. La concentration du signal dans la petite poche commence à augmenter. Jusqu'au moment où cette concentration du signal est très forte, et les bactéries se disent « Mais il y a beaucoup de bactéries à côté de moi ». Ça y est, on met en route, on a acquis on est au-dessus d'un certain seuil, et on met en route l'expression de tous ces gènes qui produisent de la lumière. On appelle ça le quorum sensing, c'est-à-dire on a besoin d'un certain quorum pour que tous les gènes se mettent en route. Et tout ça est d'une finesse incroyable. Tout ça est d'une finesse incroyable, nécessite des molécules de signalisation, nécessite des récepteurs qui sont sur la surface de la bactérie ou à l'intérieur de la bactérie. Ça dépend des récepteurs. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que ces signaux font que des bactéries se reconnaissent entre elles. Donc là, on parlait d'une poche qui est très spécifique, où il y a une seule bactérie qui s'appelle Vibrio fischeri. Mais, dans votre intestin, par exemple, vous avez beaucoup de bactéries. Et vous en avez qui se reconnaissent entre elles. Et vous en avez qui ne se reconnaissent pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire « Ah tiens, ça c'est ma cousine, je la reconnais ». Elles commencent à se reconnaître les unes les autres, et puis si ça tombe, elles vont être en grand nombre pour pouvoir aller attaquer certaines bactéries qui sont là. Mais il y a des bactéries qui ne reconnaissent pas ce signal-là et qui restent complètement inertes quand il y a ce signal, même s'il est en grande quantité. Comprenez ? Et il y a des bactéries qui reconnaissent deux signaux. Enfin, c'est assez incroyable. C'est ce qu'on appelle la vie sociale des bactéries. Il reste du travail, hein ? Il reste beaucoup de travail. Mais beaucoup de gens ont beaucoup d'espoir sur cette histoire de manipuler ce qu'on appelle le quorum sensing pour empêcher que les bactéries se reconnaissent entre elles et produisent des facteurs de virulence. Parce que si on a des bactéries qui ne se reconnaissent plus, elles vont pas dire on va faire tous nos facteurs de virulence en même temps. Donc elles se reconnaissent plus, elles font pas les facteurs de virulence. Et ça n'est pas la naissance, disons, de nouveaux antibiotiques, c'est la naissance de nouveaux anti-virulence, quoi. Il faut trouver le moyen de brouiller le signal. Voilà. Pascal Cossard, le biologiste en général, il a toujours en tête que son travail, pour le dire vite, va aider à guérir des maladies. Comment ça marche dans votre domaine ? Dans mon domaine, c'est tout à fait le but du jeu. C'est-à-dire que les maladies infectieuses, comme vous le savez, sont vraiment très très importantes. Il y a à peu près le quart des morts dans le monde est dû aux maladies infectieuses. Donc il est très important d'avoir tous les outils qu'il faut pour combattre les maladies infectieuses. Dans le cas des bactéries, je ne parle pas des virus, dans le cas des bactéries, l'outil de choix après la guerre 39-45, c'était les antibiotiques. Comme vous le savez, beaucoup de bactéries sont devenues résistantes aux antibiotiques et à l'heure actuelle, grand cri d'alarme pour trouver des nouveaux moyens de combattre les bactéries. Comment on peut imaginer les combattre quand on a affaire à des bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques ? Trouver des nouveaux antibiotiques. Trouver des nouveaux antibiotiques, il faut peut-être essayer de recribler un tout petit peu. Ça repousse le problème. Non, on peut essayer de trouver des nouveaux antibiotiques contre lesquels ces bactéries-là ne sont pas résistantes. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui se remettent à rechercher des antibiotiques Par exemple, en essayant de cultiver des bactéries dont on disait qu'elles étaient incultivables et d'essayer de trouver dans ces surnageants de culture des produits qui seraient antibactériens. Ça, c'est sûr que c'est une piste. Une autre piste, c'est d'utiliser les résultats des recherches actuelles qui sont, par exemple, qu'on sait que les bactéries communiquent entre elles. Et à l'heure actuelle, il y a pas mal de recherches qui sont faites en disant si on empêche aux bactéries de communiquer entre elles, on va peut-être empêcher la production de ces toxines et on va empêcher les bactéries de devenir pathogènes. Ça, c'est une des approches. Une autre approche, c'est de dire que les bactéries sont elles-mêmes attaquées par des virus. Des bactériophages. Donc, ne pourrait-on pas utiliser des bactériophages pour tuer les bactéries qui sont en train d'infecter, par exemple, votre peau? Il y a beaucoup de travaux qui sont faits à l'heure actuelle pour justement utiliser des bactériophages qui tueraient les bactéries qui sont en train de produire une infection. Le problème pour cette phagothérapie, c'est que il faut trouver le phage qui est spécifique de la bactérie qui est en train de vous infecter. Donc il faut avoir des grandes phagothèques. Il faut aussi que cette technologie soit acceptée. À l'heure actuelle, c'est pas vraiment le cas en France, mais dans les pays de l'Europe de l'Est, la phagothérapie avait été utilisée. Et je dois dire que si j'avais une infection de la peau qui était très résistante, je n'hésiterais pas à essayer de trouver un bactériophage qui tue cette bactérie. Alors là, je vous parle d'infection externe. Essayer de commencer à aller avaler des bactériophages pour aller tuer vos bactéries, on n'en est pas encore tout à fait là. Mais c'est une des pistes. Je peux vous poser une question presque indiscrète, Pascal Cossard ? Vous êtes, disons, plus près de la fin de votre carrière que du début. Et dans quelques années, il va falloir que ça s'arrête. Vous prendrez ce qu'on va qualifier de retraite bien méritée. Qu'est-ce que va devenir l'unité des interactions bactéries-cellules sans vous? Est-ce que vous avez préparé votre succession en quelque sorte? Mais en fait, on prépare pas sa succession à l'Institut Pasteur, parce que lorsqu'un chef d'unité part en retraite, l'unité ferme. Donc de toute façon, il ne va pas y avoir un dauphin qui va prendre le relais. Parce que j'ai fait ce que moi j'avais envie de faire, mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes goûts. Bon, ceci dit, il va forcément y avoir dans mon unité des gens qui vont continuer une partie de ce que je fais. Bon, déjà, j'ai essaimé ailleurs. J'ai déjà, dans l'Institut Pasteur, deux de mes anciens collaborateurs qui ont des unités. L'un travaille encore sur l'hystéria, l'autre va travailler partiellement sur l'hystéria et partiellement sur des streptocoques. Dans le monde, j'ai d'autres élèves qui travaillent sur l'hystéria aussi. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent plus à une facette qu'une autre. Qu'ils insistent un petit peu plus sur la façon dont la bactérie s'adapte à l'environnement, que ce soit l'environnement ou l'environnement de l'hôte infecté. Il y a des gens qui s'intéressent un peu plus à la biologie cellulaire de l'infection, c'est-à-dire vont essayer de comprendre exactement tout ce qui se passe dans les différentes cellules que la bactérie infecte. La bactérie sur laquelle j'ai travaillé, disons, la souche sur laquelle j'ai travaillé n'était peut-être qu'une listeria parmi tant d'autres de listeria, et qu'il faudrait peut-être commencer à s'intéresser un peu à la biodiversité dans tout ce monde des listeria, comprendre pourquoi on a des épidémies avec certaines souches et pas avec d'autres. Il reste beaucoup de choses à observer. Il y a énormément de choses encore à examiner. Et c'est vrai que si j'avais encore du temps, j'ai encore pas mal d'idées à mettre en pratique. Pascal Cossard, les microbes, c'est la vie. Avec Pascal Cossard, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, professeur à l'Institut Pasteur, et Alain Aspect, spécialiste d'optique quantique, Jean Porigny, médecin et ami, Liliana Radochevitch, chercheuse postdoctorante du laboratoire de Pascal Cossard. Merci au service de presse de l'Institut Pasteur et à celui de l'Académie des sciences. Pascal Cossard a publié « La nouvelle microbiologie, des microbiotes au CRISPR » aux éditions Odile Jacob. Prise de son, Marcos Daras, Philippe Etienne, Yves Lehorse et Pierre Quintard. un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Vincent Deck pour la série documentaire. LSD, la série documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez passer le tout au microscope, bibliographie, lien, podcast ou nous réécouter dans l'éprouvette, eh bien c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et demain, troisième étape, Marie-Claude Bomsel, la lionne de la ménagerie. Et n'oubliez pas, vous pouvez désormais trouver la revue papier, le numéro 24, en kiosque. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Et dans un instant, c'est le journal de 18h.